بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On a commencé aujourd'hui à cette deuxième conférence d'un programme noir pour conférence en créole. Dernière rencontre que nous avons gagné au mois de juillet, nous t'ai parlé de, nous t'ai expliqué la signification ça tawhid naye. Et nous t'ai expliqué également à Shirk qui s'allie. Jodia n'a pas parlé en l'autre sujet, qui est un sujet très important. Et c'est une question qui relie avec la conférence que nous t'ai fait dernière fois. Parce que, en réalité, si nous observons un sujet, nous pouvons comprendre facilement que première conférence là, que nous t'ai fait, nous t'ai expliqué signification première partie témoignage la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que première partie dans témoignage là c'est ashhadu an la ilaha illallah. Donc témoignage ça signifie que pas grand rien qui méritait pour nous adorer excepté Allah. Et c'est définition tawhid et c'est en même temps signification de yani ça qui opposait tawhid c'est-à-dire le shirk hein? Puisque là où comprendre réalité tawhid et bien en même temps où comprendre sa shirk lié parce que tawhid là c'est le contraire du shirk et le shirk c'est le contraire du tawhid. Kounia nous pourra expliquer deuxième partie témoignage là c'est Muhammadun Rasulullah là où dit ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou comprendre que cette deuxième partie témoignage là qui relie avec première partie A parce que nous accepter que c'est seulement Allah pour nous adorer et puis que nous pas rien doit adorer en l'autre avec Allah et bien faut nous comprendre en même temps que façon que nous supposer adorer Allah c'est façon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné nous et que si nous essayer adorer Allah en l'autre façon et bien adoration ça pas accepté. Même gens que si vous font adoration qui gagne shirk là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté adoration parce que l'est pas fait avec ikhlas, l'est pas fait avec tawhid. Donc même gens ont adoration si vous faites mais ou pas faire en accord avec sa prophète là t'a enseigné ou bien ou rajouter un bagage dans religion hein, ou fait on ça nous relait en bid'a, eh bien Allah azza wa jal l'est pas accepté adoration ça même si adoration ça fait avec en bonne intention ou même si ou pas de fait shirk là dans lui mais du moment que ou pas fait adoration selon législation divine selon sa prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'est enseigné et clarifié pour nous eh bien Allah pas accepté. Donc c'est définition en réalité de ça Muhammad Rasulullah signifié et c'est peut-être ça nous t'es décidé pour nous appeler conférence ça sunna ak bid'a ye c'est-à-dire que qui ça sunna ye et qui ça bid'a signifie. Donc nous pour laisser aujourd'hui pour nous clarifier sujet ça parce que c'est un sujet extrêmement important et malheureusement gan pile moun qui gen confusion dans sujet ça gan pile en pile monde qui gain ambiguïté ou gain difficulté pour yo comprendre réalité ça sonna signifie et ça ça bid'a qui ça bid'a yé. Donc à cause de confusion que yo gain yo mélangé la vérité et le faux et yo vinn dans une sorte de mélange dans compréhension yo. Donc nous pas laisser faire ça nous capable avec la permission d'Allah pour nous clarifier le sujet ça et pour nous rajouter un peu de compréhension dans yani réalité sujet à inshallah. Donc m'a pral bay nous un plan qui j'aime pral élaborer sous question ça et m'a bay nous si on veut la table des matières qui ça nous va l'expliquer et puis n'a commencé point par point pour nous clarifier sujet A. Premièrement, nous pral expliquer ça sunna et définition mot sunna Et à chaque fois, savant yon explique sujet ça, les yon explique signification ça, sunna signifie, ou bien n'importe quel autre terme que nous utilisons dans la charia, eh bien, yon toujours bay on définition qui linguistique en premier, après yon bay on définition qui religieuse. Parce que, mot yon, yon gon signification originelle dans langage là, et puis en même temps charia vient ajouter en signification ou bien en sens à un terme que n'a pu utiliser. Donc les grands termes ont terme là ont signification linguistique et ils ont signification religieuse tout. Et il est très important pour nous distinguer entre deux définitions ça yo, parce que les moun pas fait une distinction entre les deux, eh bien yo ka confondre entre signification linguistique là puis signification religieuse là, et à cause de ça yo gen droit créer en pile confusion dans façon yo comprendre sujet là, même gens avec signification terme bid'a li gon signification linguistique et puis il gon signification religieuse tout, et les moun pas fait distinction entre les deux, eh bien, yo crée en pile confusion dans compréhension yo, parce que yo mélange définition yo. Donc ça nous pourra clarifier. Première chose que nous pourra clarifier, inshallah, c'est définition ça sonne signifier. Ensuite, nous pourra expliquer verdict charia pour yani par rapport à la sunna. Ça que verdict religion par rapport à la sunna, c'est-à-dire est-ce que suivre sunna sont obligation? Est-ce que son bagay qui est fondamental dans la religion, ou bien son l'autre bagay, on l'autre verdict, parce que gen moun qui pensait peut-être que sunna son bagay qui pas obligatoire mais son bagay qui recommandé seulement, et gon raison pour ça, gon raison pour qui ça en pile moun gen difficulté pour comprendre verdict suivi le verdict par rapport à suivre la sunna. Il y aurait en pile confusion par rapport à bagaille. Ça, nous pourrons l'expliquer le tout. Ensuite, nous pourrons clarifier définition terminologie bid'a, qui ça le signifie. Et puis, nous pourrons expliquer ensuite ça qui verdict religion par rapport à la bid'a. Est-ce que nous gain droit faire? Est-ce que nous pas gain droit faire? Avec preuve. Et puis ensuite, nous pourrons clarifier tout détail que nous ka clarifier à propos de ça bid'aïe, et puis ça qui est-ce nous relé par exemple ahlul bid'a, qui est-ce qui parmi les musulmans nous relé yo ahlul bid'a, c'est-à-dire moun qui fait bid'a, moun qui fait innovation, moun qui inventé bagay dans religion, ça nous pourra l'expliquer en dernier, puis nous pourra l'expliquer en pile petit détail autour de sujet ça, inshallah. Donc nous pas perdre temps, nous pas perdre plus temps, puis n'a commencer directement dans que sujet. Donc signification mot as-sunna, qui ça le signifie dans langage arabe là, qui ça le signifie linguistiquement, savant linguistio, yo dit que signification as-sunna c'est at-tariqa. At-tariqa, as-sira. Yani hasana ou sayya ou qabiha. Yani mamdouha ou madhmouma. Donc, yo dit son voie, son chemin, signification linguistique, sunna, son voie ou son chemin, ou son conduite qui bonne ou qui ka bon ou qui ka mauvaise tout, qui louable et qui blâmable. Donc dans le sens linguistique, on sunna gen droit on bagay qui bon, gen droit on bagay qui pas bon, on chemin qui bon, on chemin qui pas bon. Donc ça c'est linguistiquement. Et gen exemple de définition linguistique ça dans certains hadiths que le prophète l'a mentionné. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: man sanna fi l'islam sunnatan hasana fa'amila biha ba'dahu أو فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. Donc, qui ce hadith-là signifie? C'est que quiconque fait une bonne action dans l'islam, en sunna qui est bonne, en sunna hasana, et que il y a quelqu'un qui pral agir, qui pral continuer bonne action ça après lui, hein, après le mourir, eh bien, la continuer gagne même récompense que tout le monde qui suive exemple dans l'action ça, sans que yo diminue en rien dans récompense yo. Et quiconque agit dans l'islam avec une mauvaise action et que gen moun ki pral suiv yo nan mauvaise action ça après yo mouri, eh bien Allah azza wa jal li pral écrit pour yo le poids de péché yo. Yani tout moun ki suiv yo nan péché ça, yo pral yani écrit yani pour yo le poids de ce péché là, yani sans que nous diminuer en rien en propre péché yo ça yo te fait yo même au début. Donc c'est-à-dire que tout monde qui suivent tout monde qui fait une bonne action, gen monde qui pral suivre dans bonne action ça, yo pral gain récompense tout monde qui suivre dans le bien. Et tout monde qui fait une mauvaise action, yo pral gain péché tout monde qui suivre dans péché a. Donc ça c'est défini, ça son hadith le où est explication Jean prophète là sallallahu alayhi wa sallam dit sunna hasana sunna sayyi'a. Il faut comprendre que l'utiliser terme sunna dans hadith ça non en définition qui linguistique et non pas en définition qui religieuse. Pour qui ça? Parce que terme sunna dans religion il pas qu'a bon sens mauvais. C'est-à-dire que pas grand sunna dans religion qui mauvais. Tout ça prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné nous. Eh bien, il y en a quoi avec religion? Il y en a quoi avec ça Allah t'a ordonné? Parce que sunna c'est exemple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il pas qu'à mauvais. Ça c'est pour nous comprendre que Jean prophète là sallallahu alayhi wa sallam utilise terme sunna dans hadith ça en particulier sur définition linguistique et non en définition religieuse. Kounia, nous pral bay définition religieuse là, puis en même temps, nous clarifions un sujet qui est important par rapport à verdict de suivre la sunna. Est-ce que suivre la sunna son bagage qui est obligatoire ou bien son bagage qui est recommandé ou qui ça nous dit sous ça? Nous pral wè qui ça, savant yo clarifier à sujet à propos de ça. Et son bagage qui est très important et nous pourrons le comprendre pour qui ça. Premièrement, faut nous connaître que terminologie sunna son mot qui employé dans un pile différents domaines de sciences islamiques. Et chaque spécialité dans chaque domaine que savant yo employé terminologie ça, eh bien, il y a une définition spécifique que yo bay sunna qui différent une par rapport à l'autre. Et c'est peut-être ça que gen pile moun ki gen on certaine confusion par rapport à signification sunna, justement parce que yo employé terme là, yo pas tout vle di même bagay là. Donc gen par exemple savant qui spécialiste dans hadith nous relé yo al muhaddithun le yo défini sa sunna signifie yo ba en définition et yo dit que sunna c'est tout ça qui était transmis hein, du prophète dans parole liyo dans action liyo dans approbation liyo et dans caractéristique comportemental li et dans caractéristique physique li dans biographie li ça l'était fait pendant ville peu importe avant la révélation ou après peu importe que l'était avant la révélation ou après Ça, c'est définition savant spécialiste dans hadith. Le yo ba définition mot sunna, c'est comme ça yo définil. Kounya gon l'autre branche dans science islamique qui relè usul al-fiqh. Et usul al-fiqh, c'est science qui permet ou les ou besoin connaître un verdict religieux par rapport à un sujet quelconque, ou pour analyser texte, soit dans le Coran, soit dans le Hadith, et ou pour à partir de en série de fondements et en série de principes, ou pour être capable extraire ou être capable déduire un certain nombre de règles par rapport à texte, par rapport à certains principes, par rapport à certains fondements. Par exemple, ou besoin connaître à propos de un bagage en particulier, est-ce que les halal, est-ce que les haram? Bon, savant de usul, ça nous rend usul al-fiqh, yo même yo analysé hadith yo analysé yani verset coranien, et puis yo pral à partir de différents principes yo pral bon verdict là, est-ce que les halal, est-ce que les haram, est-ce que les wajib, est-ce que les mustahab, est-ce que les recommandés, et ainsi de suite. Et yo même yo gon définition de sunna qui ça signifie, et définition que yo bay de sunna, c'est tout ça qui t'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans parole lio, dans action lio, et dans approbation li sallallahu alayhi wa sallam. Donc yo gon définition, mais définition li un peu différente de définition savant hadith yo, parce que savant hadith yo définition plus large, hein, gain plus détail que définition savant ou soulio. Kouni an gon l'autre définition tout de la kay savant fiqh yo. Savant fiqh yo gon l'autre façon pour yo définir la sunna. Et c'est en principe définition pa yo qui bay moun en pile complication dans compréhension réalité sunna. Pour qui ça? Parce que nous va le comprendre. Là yo défini sunna, yo défini le tant kou son bagay qui pas obligatoire, un bagay que li recommandé pour faire mais li pas obligatoire pour faire. Et ça c'est définition savant fiqh yo, ça nous rele yo fuqaha, le pluriel de faqih. Faqihun son savant de fiqh, et fuqaha c'est le pluriel, yani c'est savant spécialisé dans fiqh. Fiqh qui s'allie, c'est qui science qui permet ou de comprendre qui gens pour appliquer verset yo avec hadith yo à propos de différentes règles de l'islam. Qui gens pour prier, qui gens pour purifier, qui gens pour faire salat, qui gens pour payer zakat, qui gens pour faire hajj. Hein? Qui gens ou pral par exemple faire Ramadan, qui gens ou pral marier, qui gens ou pral divorcer, qui gens ou pral séparer héritage. Toute règle fekyo, ça c'est règle qui plus détaillée. Et savant fekyo, yo divisé vers un principe religieux yo, ou règle religieuse yo, en cinq principes. Gen sa ki wajib li signifie sa ki obligatoire, et gen savant ki gen doit dire fard ou bien ki dit wajib, ça sont synonymes, soit les fard ou bien wajib, ça veut dire c'est ça qui obligatoire dans religion. Le contraire de fard ou de wajib, c'est ça qui haram. Et ça qui est haram, il signifie ça qui est interdit dans la religion. Ok? Donc, il y a halal. Halal, c'est ça qui est permis dans la religion. Parfois, il y a appelé ou il y a relé également un autre terme qui moubah. Yo dit c'est moubah. Donc soit yo pral dit c'est halal ou bien yo pral dit c'est moubah. Ça dit que ou gen droit faire, il est pas obligatoire et il est pas recommandé et il est pas interdit ou yani ou gen droit faire si vous voulez et si vous pas faire, pas un problème. Donc c'est li permis. Donc gen ça qui wajib, gen ça qui haram et gen ça qui halal ou qui mubah. Kounya gen on l'autre terme qui existait, yo dit ça qui mandoub. Mandoub ou bien yo ka dit tout ça qui mustahab ou bien yo ka dit tout ça qui sunna. D'accord? Et ça yo vle di par terminologie ça yo vle di ça qui pas obligatoire mais qui recommandé pour faire. Si vous faites, vous êtes récompensé et si vous pas faire, vous êtes puni. Donc ça c'est yo gen plusieurs termes pour yo définir, c'est soit ce yo dit mustahab ou bien yo dit mandoub ou bien yo dit sunna. Et gon l'autre terme que yo employé tout c'est ça qui makro. Makro c'est-à-dire ça qui détestable ou qui déconseillé. C'est-à-dire que si ou fait c'est pas un péché lié ou pas puni mais si ou pas fait ou après récompensé. Si ou pas fait ou après récompensé. Donc ça c'est définition que savant yo amené savant de fiqh. Et faut nous comprendre un bagage, c'est que premier savant l'islam yo, premier salaf yo, les yo t'a défini ça qui halal, ça qui haram, yo pat gen toute différentes terminologies ça, différentes terminologies ça yo apparaît plus tard, hein, son bagage qui t'est venu plus tard dans développement terminologie fiqh yo. À la base, à l'origine, hein, yo pat ramener tout détail ça yo et toute définition ça yo. Donc faut nous comprendre que les salaf yo les yo te kon utiliser ou employer terminologie ça qui sunna yo pas considérer que c'est sunna c'est ça qui recommandé seulement. Hein, yo te gon définition qui plus large de signification sunna. Et là nous garder dans parole salaf yo. Là yo dit là yo employé terme sunna. Nous voit que yo bay sunna en définition qui plus générale et dans langage salaf yo, là nous dit salaf yo c'est par rapport à sahaba et tabi'in, élève sahaba yo. Première génération musulman yo, trois premières générations yo. Ça c'est sahaba tabi'in, wa alaykoum salam, et tabi'in. Là, yo employé terme sunna, yo employé le nom au sens qui est plus large par ses définitions savant hadith yo, et qui plus large par ses définitions savant usul al-fiqh yo, et plus large par ses définitions fuqaha yo. Et yo défini sunna comme étant ça qui est en accord avec le Coran et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna de ses compagnons, peu importe que bayal en relié avec croyance ou bien avec adoration. Donc, qui ça le signifie pour yo? La kay salaf yo, les salaf yo employé terme sunna, yo pas signifié seulement ça qui recommandé, yo considéré que c'est tout ça qui en accord avec le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, les sahaba. Et peu importe que c'est par rapport aux questions qui sont dans la aqida ou bien dans les ibadat. Les aqidat, c'est les croyances. Et les ibadat, c'est-à-dire les adorations. D'accord? Et dans sans signification ça, c'est dans signification ça ou bien dans sens ça que nous ca comprendre que terminologie sunna, c'est en réalité le contraire de ça nous relait bid'a. C'est le contraire de ça nous relait bid'a. Donc, nous qu'a dit à propos de un monde, les actions et croyances liées en accord avec le Coran et la Sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la croyance et les pratiques des sahaba, hein, dans la croyance et dans les adorations, nous dit Mounsa li sous la sunna, son moun ki sous sunna. Et un moun qui, par exemple, en contradiction avec le Coran et la sunna, ou yon nan sa yo, et qui contredit méthodologie ou voie compagnon yo, eh bien, soit dans les croyances ou soit dans les pratiques, nous dit, moun sa, c'est sous bidalier. Hein? Et c'est comme ça que savant salaf yo te kon utilise terminologie sunna. Ok, donc, gampil savant, justement, parmi salaf yo, qui le yo écrit à propos de sunna, yo clarifié que, yani, en principe, fondamentalement, c'est tout ça, tout moun qui était sous même croyance avec sahaba yo, avec tabi'in yo, avec tabi'in yo, qui te suivent même croyance avec yo, même méthodologie avec yo, yo considéré que yo c'est yo même qui ahlu sunna, c'est yo même qui sous la sunna. Et tout monde cap suivre en voie qui innover dans religion, soit dans croyance ou dans pratique, hein, eh bien yo considéré que yo nan bid'a, hein, parce que yo entré dans yon nan secte d'égarement qui apparaît après, hein, qui contredit sa salafiote, tap suivre. Et gon exemple de l'imam Ash-Shatibi, qui son grand savant, qui était vivant en Andalousie, et il y écrit un livre très important par rapport à la sunna qui relait Yani Al-I'tisam. Donc, livre, ça, son livre vraiment important et livre vraiment bénéfique. Et il y écrit un autre livre tout qui relait Al-Muwafaqat. Il explique dans le livre ça en pile principes fondamentaux par rapport à la sunna. Il dit dans une citation lio, yutlaqu ay lafz as-sunna aydan fi muqabalat al-bid'ah. Fa yuqalu fulan ala sunna idha amila ala wifq ma amila alayhi aw wifq ma amila alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وكان ذلك مما نص عليه الكتاب اولا ويقال فلان على بدعه اذا عمل على خلاف ذلك وكان هذا الاطلاق انما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعه فاطلق لفظ السنه من تلك الجهه وإن كان العمل بمقتضى الكتاب ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة يعني وجد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم. Donc l'imam lui clarifie justement que ça nous sortit. C'est yani signification salafio les yo employé terminologie sunna, c'est yani tout monde qui en accord avec sa prophète la té amené, et terme bid'a c'est tout monde qui contredit sa prophète la té amené, ainsi que monde qui contredit sa sahaba yo té amené ou tap sa yo tap suivre yo considéré un bid'a tout. Yani, si on contredit sa sahaba yo. Gen pil l'autre savant qui clarifie ce sujet ça. Par exemple, gen Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, li dit wa lafz as-sunna min kalam as-salaf yatanawal as-sunna fi al-ibadat wa fi al-i'tiqadat wa in kana kathirun min man sannafa fi as-sunna yaqsudun al-kalam fi al-i'tiqadat. Wa هذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. Donc Ibn Taymiyyah te mentionné une citation comme ça, il dit le terme la sunna dans la parole des salaf li signifie yani la ça qui en accord avec la sunna dans adoration yo ainsi que dans croyance yo. Même si en pile dans salaf yo les yo écrit à propos de sunna, eh bien c'est à propos de la parole au sujet de l'aqida que yo t'ai besoin spécifier. Et preuve de bagay ça c'est que grand pile imam salaf non imam salaf yo les yo écrit à propos de sunna yo grand pile livre hein que yo écrit qui relait sunna et les ou li ça yo écrit dans livre ça yo et bien c'est à propos de la croyance et toute croyance fondamentale moun k'ap suivre la sunna et la clarification de principes fondamentaux yo dans la croyance. Par exemple, l'imam Ahmad écrit un livre qui relait As-Sunna. L'imam Abu Daoud As-Sijistani lui-même tout lui écrit un livre qui relait As-Sunna. Et gon l'autre imam qui relait Ibn Abi Asim qui écrit un livre qui relait As-Sunna. Et petit l'imam Ahmad qui relait Abdullah Ibn Ahmad lui écrit un livre tout qui relait As-Sunna. Et gon l'autre parmi compagnon l'imam Ahmad qui était relé Al-Khalal li écrit un livre qui relé As-Sunna tout. Té gon l'autre on l'autre également l'autre imam parmi imam Salafio l'imam Abu Hatim Ar-Razi. Li gon un aqida qui clarifie la Sunna. Li relé As-Sunna et li clarifier croyance Salafio. Et gon pile l'autre livre comme ça tout, hein, ça c'est juste un exemple. Mais gain des centaines de livres que savants ont écrit qui clarifiaient yani signification yani sunna dans ce sens ça. D'accord? Donc ça c'est par rapport à la définition et à la compréhension donc de as-sunna. Kounia sunna, est-ce que c'est obligatoire pour nous suivre li? Ou bien son bagay qui recommandé parce que nous connaît que gen groupe parmi groupe égaré yo parmi groupe qui dévié de l'islam qui rejeté la sunna yo pas accepté sunna et yo pas croire dans sunna yo dit nous-mêmes nous prenons encore un seulement nous pas prendre sunna et en réalité moun sa yo nous pas qu'à considérer yo musulman. Parce que sunna c'est explication Coran et son révélation liée même genre avec Coran parce que Allah azza wa jal t'a révélé à prophète là deux bagailles li révélé Coran et li révélé sunna tout donc sunna son révélation liée et même genre que Allah azza wa jal t'a préservé Coran Allah t'a préservé sunnatou. Et nous pral bay quelques preuves à sujet ça parce que son question qui est très importante. Allah azza wa jal nan pile nan pile verset dans Coran nan li ordonné nous pour nous suivre sunna. Allah azza wa jal li dit dans sourate an-najm le verset 3 et 4 li dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire que Allah azza wa jal li dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas à partir de passion li que la palais, mais c'est seulement en révélation qui révélé sous lui. Donc ça veut dire que tout sa prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est inspiré, c'est révélé lié, hein, son révélation liée. Donc sahaba yo te kon tant des prophètes là et tout sa prophète l'a dit, yo considéré que c'est Allah azza wa jal qui révélé ça le dit. Ils ont fait une différence et ils ont fait une distinction entre ça qui est Coran et ça qui n'est pas Coran. Mais ça qui n'est pas Coran dans la parole prophète là, ils ont considéré tant qu'on révélation même genre avec Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset dans Coran « وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ » Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc le wap obéi prophète là, c'est même genre que si vous tape obéi à Allah parce que sa prophète là ordonné, c'est ça Allah t'a ordonné tout. Gon l'autre verset dans sourate An-Nahl le verset 44, Allah Azza wa Jal lit dans verset ça, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dans verset ça, Allah Azza wa Jal dit ça qui signifiait et nous révéler sous adh-dhikr. Et adh-dhikr li impliquer ou li signifier le Coran et la Sunna. Nous révéler sous adh-dhikr pour clarifier pour mounyo ça nous révéler sous yo. Hein, ou ça nous t'est révélé pour yo et pour yo qu'a réfléchi tout. Donc Allah Azza wa Jal révèle le Coran à prophète là et en même temps lui ordonne prophète là pour clarifier mon yo signification révélation. Et nous mêmes nous tous connaît réalité ça chrétien a fait par exemple ou bien l'autre même juif yo les appelé la Bible. Yo tout gen Bible et gen chrétien qui gen Bible différente, mais en général yo tout appelé la Bible Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais yo n'a raison pour qui ça yo tout divisé et puis yo gen paquet secte. C'est parce que chaque groupe chrétien yo gen propre façon pour yo interpréter Bible là. D'accord? Et même là où par exemple bon catholique yo yo gon on église yo gon institution avec un pape qui supposé kembe yo uni ou réuni yo nan interprétation que yo gen. Malgré ça gen pile tendance parmi catholique yo gen pile division à l'intérieur de catholique yo sans parler de l'autre division parmi chrétiens orthodoxes yo protestants yo gen une infinité de différentes sectes pour qui ça. Parce que les yo rejeté autorité pape là yo bay chaque pasteur yo bay tête yo autorité pour yo interpréter la Bible. Donc ça veut dire que chaque pasteur yo déclaré tête li tant que son prophète lié et puis que le ka comprendre Bible mieux que on l'autre pasteur. Hein? Et c'est peut-être ça où joine à chaque fois gon nouveau pasteur qui sorti, eh bien, li crée une nouvelle secte, un nouveau groupe. Et c'est peut-être ça ou gen baptiste, adventiste, méthodiste, évangéliste, adventiste du septième jour. Il y a ni ou gon paquet l'église chaque fois gen un nouveau qui sorti. Et puis après ça yo sorti avec témoin de Jéhovah, avec mormon, tout mouvement ça yo sorti dans protestant et protestant yo té séparé de catholique yo depuis il y a ni histoire qui est arrivée avec Martin Luther et yani nous connaît histoire. Nous pas besoin aller dans détail. Tandis que nous même dans l'islam, eh bien non seulement Allah Azza wa Jal t'a révélé Coran, mais en même temps il révélé Sunna pour nous kagen explication Coran et pour que révélation Coran nan protégé nan compréhension Coran nan, c'est pas seulement la lettre du Coran qui protégé, mais c'est également l'esprit et la compréhension du Coran qui protégé parce que nous gen sunna qui ka clarifier qui gens pour nous appliquer Coran nan, qui gens pour nous jeûner, qui gens pour nous prier, qui gens pour nous faire hajj, qui gens pour nous faire ramadan, qui gens pour nous faire règle mariage, héritage, divorce, jugement, peine, tout règle religieuse. Nous gain exemple dans sa prophète là té pratiqué et ça l'té enseigné nous. D'accord? Tandis que ça son bagage qui pas existé là dans christianisme. Par exemple, règle de mariage. Jésus pas marié. Donc chrétien pas gain exemple par rapport à mariage, qui j'en yon pral vivre avec une femme, qui j'en yon pral marier, qui j'en yon pral éduquer enfant yo, qui j'en yon pral comporter yo avec mari yo. Yon pas qu'on détaille ça, ben ça yo, parce que prophète Isa, li pat marié, l'elte sous terre. Tandis que dans l'islam, nous gen tout exemple ça yo. Hein? Et puis quand on pile bagam te ka bay exemple tout sous ça, même pas rentrer dans tout détail parce que c'est pas que sujet a. Gon l'autre verset hein que ça va yo mentionner tout, c'est le verset 7 dans sourate Al-Hashr. dans lequel Allah Azza wa Jal lui dit: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui dit: ça prophète là, baille-nous, prends-le. Et ça lui interdit-nous, eh bien, c'est pas fait. Abstenez-nous, hein, faut nous abstenir tête-nous pour nous faire. Et préservez tête-nous de Allah. Hein, préservez quoi nous de Allah Azza wa Jal et de châtiment li, parce que certes Allah Azza wa Jal li Dieu en châtiment. Donc dans verset ça nous kawe clairement que sa prophète la permet nous nous ka fel, et ça li interdit nous nous pas ke droit fel. Même Jean avec Allah Azza wa Jal le li ordonne en bagay nous gen, ou les li permet nous on bagage nous gain droit faire les ou li interdit nous pas gain droit faire, parce que gain monde qui gain compréhension que si son bagage qui écrit dans Coran nan c'est obligatoire, et les gain bagage qui si son bagage qui écrit dans Sunna son bagage qui pas obligatoire gain droit faire ou gain droit pas faire. Ça sont erreurs de dans compréhension en pile monde, parce que gain bagage qui dans Sunna qui obligatoire, et gen bagay nan Coran qui recommandé qui pas obligatoire, gen bagay nan Sunna qui déconseillé qui déconseillé détestable, et gen bagay nan Sunna qui haram. Même gens que nan Coran nan gen bagay qui détestable, gen bagay qui haram. Donc c'est pas une question de source yani règle. Est-ce que c'est dans le Coran, est-ce que c'est dans le Sunna yon sorti? C'est pas ça qui détermine si bagay lan halal ou haram, ou si bagay lan recommandé ou détestable. Ça qui détermine si li halal ou haram, détestable ou non, c'est l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète. C'est-à-dire, sa prophète l'a été ordonné et ça l'a été interdit. Et ça, Allah Azza wa Jal t'a ordonné et ça l'a interdit. Et c'est savant Usul al-Fiqh, justement, dans Bagay Sayo, qui clarifie différence dans, yani, dans qui j'en nous a distingué ça qui ordonne en ordre et ça qui en interdiction, ça qui en bagay qui recommandé ou ça qui détestable, et qui j'en nous a distingué entre bagay sa yo. Par exemple, yo di, si on bagay, Allah Azza wa Jal di on bagay, avec li employé un verbe qui est impératif, donc en principe, son obligation liée. Et si li mentionné un verbe impératif à la négative, ou bien à l'interdiction, bagay lan son bagay haram lié. Et ensuite, ou gen doit joindre un texte, par exemple, on bagay qui ordonné, puis où est que gon hadith, et non on l'autre hadith prophète là li mentionné que li fèl, ou bien li mentionné que ou gen droit fèl, et si ou pas fèl pa gen punition. Donc là savant yo pral di bon bay ça c'est pas haram lié, c'est déconseillé seulement, et ainsi de suite. Gen un pile détail nan sujet ça, nous pas rentrer dans tout détail, mais pour m'ba nou un exemple, prophète la te dit dans un hadith: ou'fou an al-liha wa qassu al-shawarib. Li dit kite bab nou pousse et diminuer, hein, baisser moustache. Donc ça son ordre, hein, son ordre lié, son verbe impératif prophète la employé, et pas gen rien qui vienne diminuer ordre là pour nous qu'a dit que bailan c'est un bail qui détestable seulement. Pas gain preuve pour qu'a dit que bailan c'est un bail qui détestable seulement, puisque ordre là il est définitif et il est clair. Donc savant yo dit, hein, que ou pas gain droit raser babouin, il faut quitter le pousser, parce que prophète là il ordonné pour quitter le pousser, il est interdit pour couper ou pour raser. Donc ça veut dire que si on moun raser babli ou bien couper babli, son bagay ki haram et son péché l'a fait. Mais gen moun le yo tande que son ordre qui sorti dans sunna, yo di ah, mais il est pas obligatoire parce que c'est dans sunna lié. Non, c'est pas parce qu'on bagaille écrit dans sunna que il est pas obligatoire. D'accord? Donc ça c'est un point très important. Et à propos de verset ça, wa ma ataakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Te Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui tape qui voit une femme qui tape retiré sourcil, hein, il était con épilé sourcil et il dit madame nan que ça c'est haram, son bayan qui est haram. Et madame nan dit moi-même je lis tout le Coran du début jusqu'à la fin, pas j'ai mon côté qui écrit que épilation de sourcils est haram. Hein? Et ça y a un pile moun jodi a, ou qu'attendez un pile moun di un pile bagay comme ça. Hein, Léo dit femme yo que yo pa gen droit mettre extension dans cheveux yo et en pile l'autre bagay comme ça. Yo dit ah, même le Coran n'aime pas ouais ça dans Coran. Abdullah ibn Mas'ud lui dit si ou t'es lil vraiment ou t'as besoin de lui. Hein? Est-ce que vous pas li verset ça Allah te dit dans sourate Al-Hashr le verset 7 wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Se dit ça prophète là-bas nous prend et ça lui interdit nous pas faire. Et puis il dit ensuite il dit nous t'ai tant des prophètes là qui t'ai dit hein, à propos de femmes qui yani yani épilé sourcils que yo maudit. Hein, Allah maudit femme ça yo. Donc ça c'est en preuve que ben ça son bagage qui haram. D'accord? Donc Abdullah ibn Mas'ud lui-même lui comprend que yani du moment que Allah Azza wa Jalla t'a ordonné nous pour nous obéir prophète là, eh bien si nous joignons bagaille dans sunna ou bagaille que prophète là t'a dit même s'il est pas écrit dans Coran, eh bien son interdiction liée. Hein? Et si prophète là t'a ordonné un bagaille même s'il est pas écrit dans Coran, eh bien son hein, son bagage qui est obligatoire, qui est wajib, même s'il n'est pas dans le Coran. Bon, l'autre verset, Allah Azza wa Jal lui dit, dans le verset ça, c'est dans surat Al-Imran, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah Azza wa Jal lui dit, prophète là, si, dit à Mounio, dit Mounio, si nous aimons Allah réellement, alors faut nous suivre moins. Et si nous suivons moi, Allah a prémé nous et l'a pardonné péché nous. Hein? L'a pardonné péché nous, yo. Et Allah, c'est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est une preuve que Allah, Azza wa Jal, l'a ordonné nous pour nous suivre, prophète là. Hein? Et suivre, prophète là, si prophète là n'est pas là avec nous aujourd'hui, parce qu'il mourit, mais, sallallahu alayhi wa sallam, l'a même si lui-même n'est pas là avec nous, mais sunna lien, il est toujours là. Donc, nous qu'à suivre lui, hein, en suivant sunna. On l'autre verset qui clair à sujet ça tout, c'est le verset 65 dans sourate An-Nisa. Allah Azza wa Jal lui dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est-à-dire, non par ton Seigneur, yo pas croyant, jusqu'à ce que yo prenne tant qu'on juge dans toute dispute qui rivait entre eux-mêmes. Et les yo tant des jugements, yo pas besoin dans eux-mêmes aucun problème, aucun gêne à propos de ça où t'es décrété, ça où t'es jugé. Et puis yo pral soumettre tête yo complètement à jugement. Donc ça son condition que Allah Azza wa Jal baye croyant yo pour yo ka croyant réellement juste si yo pas prendre prophète là tant qu'on juge, c'est-à-dire yo pas prendre sunna tant qu'on juge dans toute situation dans divergence yo dans désaccord yo dans dispute que yo gagne entre yo même, si yo pas juger selon sa prophète là t'es enseigné, eh bien c'est tant que si yo pas vraiment croyant moun sa yo. Donc son condition dans la foi. Et depuis on moun pas prend sunna tant qu'on référence dans la foi, hein, et dans la religion en général, et dans tout désaccord que nous gagnons dans la vie, eh bien, sont problèmes que nous gagnons dans la foi. Et qu'on l'autre verset tout, qui est important, et c'est le verset 63 dans Sourate An-Nur, Allah Azza wa Jal lui dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc, Allah Azza wa Jal dans verset ça lui avertit nous, hein, que tout le monde qui contredit ordre prophète là, pour yo prend garde, hein, que yo, Allah a frappé yo avec un fitna, ou bien que l'a frappé yo avec un châtiment douloureux, hein, dans ce bas monde, hein, et dans l'au-delà. Donc, ça, c'est un bagage qui clair que nous obligés suivre prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, et que nous pas gain droit contredit commandement li. Et que si nous contredit commandement li, et nous contredit sunna li, hein, eh bien ça c'est parce que yani Allah Azza wa Jal menacé tout le monde qui agit comme ça, que yo pral frapper par un fitna ou bien yo pral frapper par un châtiment. Et l'imam Ahmad li dit: est-ce que nous connaissons qui sac fitna yé? Il dit: fitna c'est shirk lié. Ça veut dire que nous pral tomber dans shirk si on moun, par exemple, li placer parole en l'autre moun au-dessus de parole prophète là, eh bien, Allah Azza wa Jal a mette en fitna nan keul, et l'a dévié à cause de ça. Donc, son bagage qui est très grave. Également, dans Sunna, gen hadith, un pile hadith, qui clarifiait que nous supposons suivre Sunna prophète là. Et prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, te dit, yani, grand hadith nan, que prophète là dit, نعم لذي لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني بروفيت لاتي تدين حديث كي أوتنتيك rapporté par أبو داود et الترمذي لذي فكيتم جنون من qui chita sous un sofa ou bien un lit, yo bali un commandement de samte ordonné ou de samte interdit, puis il commence à dire: non, moi-même pas connais ça qui pas dans le livre d'Allah, ça qui pas dans le Coran, hein, ça qui dans le Coran c'est ça m'a suivre, hein, en voulant dire les ou bal on preuve dans sunna il pas accepté. Donc prophète là t'es averti à propos de moun qui agit comme ça. Gon l'autre hadith tout, qui est un hadith également authentique, et rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, le prophète l'a dit, et c'est rapporté par Al-Miqdad, il dit que le prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun shab'anun ala arikatih. Yaqulu alaykum bihada al-Qur'an. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. Donc dans hadith ça, prophète là sallallahu alayhi wa sallam dit, yani certes certes Allah te bam le Coran et li bam on l'autre bagaille même Jean Avel, c'est-à-dire la sunna, hein, li bam Qur'an et li bam on l'autre bagay qui semblait avec, hein, c'est-à-dire la sunna. Et li dit ensuite: pa ki te joine un moun, hein, avec yani li vente li rempli li bien chita, et le ou réciter yani nam moun nan chita, et le la parler li dit faut nous suivre Qur'an. Et ça me joigne dans le Coran qui est halal, me déclarer le halal. Et ça me joigne dans le Coran qui est haram, faut nous déclarer le haram. Et après, il dit: certes, sa prophète là t'est déclaré haram, c'est même gens avec ça Allah t'est déclaré haram. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça qui est dans le Coran hein, que ou qu'a déclaré haram s'il est haram, mais s'il est mentionné dans Sunna, eh bien faut suivre les tout. Et gan pile hadith dans sens ça tout. Et en pile nan savant ça la fi te clarifier ça. Hein, et yo te réfuté tout le monde qui était venu pour yo dire que yo pas suivre ça qui dans Sunna. Eh bien, yo pas considéré moun sa yo tant que musulman, yo considéré yo tant que hein mécréant, parce que un monde qui pas croit dans Sunna, c'est tant que un monde qui pas croit dans prophète là sallallahu alayhi wa sallam. Kounya là nous comprendre signification Sunna et importance que Sunna gagne dans la dans religion l'islam là. Parce que Sunna son référence dans la religion, même genre avec Coran, eh bien, nous comprendre que son bagage qui est fondamental. Et, Kounia, les savants ont défini, même j'ai te dit au début, que yani, la distinction entre la Sunna et la Bida, c'est signification, témoignage, Muhammad Rasulullah. Que Muhammad, c'est le messager d'Allah. Yani pour qui ça nous dit ça? Parce que savant yo défini signification Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et yo dit ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Ça c'est quatre phrase que yo mentionné, les yo défini signification parole Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Yo dit ta'atuhu fi ma amar, ça dit que toute sa prophète l'a ordonné, faut nous obéir hein, faut nous obéir, ça le dit. Ensuite yo dit yani wa tasdiquhu fi ma akhbar, c'est-à-dire que tout ça qu'il lui ba nous comme information à propos de Allah, à propos de religion, faut nous accepter, il faut nous croire dans ça le dit. Donc ça c'est deuxième bagaille là. Ensuite troisièmement il dit wajtinab ma naha anhu wa zajar, c'est-à-dire tout ça que le prophète l'a interdit ou ça que il était réprimandé hein les nous faire, faut nous cesser faire, nous pas gain droit faire. Ça c'est troisième bagaille. Et dernier point, wa an la yu'bad Allah illa bima shara. C'est-à-dire que les ou adorer Allah ou pas gain droit adorer Allah excepté en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde qui inventé un bagaille dans religion qui en contradiction avec sa prophète l'a enseigné ou bien qui pas gain source dans le Coran ou bien dans Sunna authentique, eh bien ça sont innovations liées nous relèl bid'a. Et donc nous pral bay définition ça qu'on bid'a. Dans la langue, dans la définition linguistique de ça qu'on bid'a, hein, savant yo dit que al bid'a fil lugha ma'khuzatun min al bid'a, yani min al wa huwa al ikhtira'. وهو الاختراع على غير مثال سابق. Donc définition bid'a dans le langage arabe là, c'est tout ça qui inventé ou qui fabriqué, un bagage qui pas existé avant. Hein, un bagage qui nouveau et qui inventé et qui pas gain exemple précédent. Et exemple de utilisation linguistique là dans le Coran de Moussa gain le verset 117 dans sourate al-Baqara, c'est yunna non Allah hein, il y aurait les Allah azza wa jal lui mentionner que c'est lui-même qui badi'u samawati wal ard, badi' hein, c'est même racine hein linguistique avec le mot bid'a, badi' gain la lettre ba, la lettre dal et la lettre ayn. Trois lettres sayo, c'est trois lettres de yani racine moa, hein, mot bid'a. Et donc, qui ça le signifie? Il signifie que Allah Azza wa Jal, c'est lui-même qui innové, qui créé les cieux et la terre, et il fait sans un exemple précédent. C'est-à-dire que c'est lui-même le premier qui crée, pas gain l'autre créateur avec lui. Donc c'est seulement lui-même qui crée, et c'est peut-être ça, c'est lui-même qui innové les cieux et la terre. Et on l'autre verset qui mentionne les termes ça, tout dans le sens ça, c'est le verset 9 dans Sourate Al-Ahqaf. Allah Azza wa Jal dit قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Les ordonnés prophètes là, pour le dire, dit au Muhammad, yani, مَا كُنْتُ بِدْعًا, yani, pas une innovation parmi messagers. C'est-à-dire que ça me venait avec lui, message moyen, c'est pas un bagage qui nouveau, c'est pas un bagage qui innové. T'es gain prophète qui t'est venu avant avec même message fondamental ça. Parce que tout messager que Allah t'a envoyé à l'humanité, ils ont tous venu avec même message fondamental religion, c'est-à-dire le tawhid et yani l'ordonnance de suivre les messagers et ainsi de suite. Et donc sur le plan linguistique, ou qu'a dit que les moun fait un bagay qui nouveau, un bagay que moun pas de fait avant lui, nous qu'a dit moun ça c'est li fait un bid'a, ibtada'a bid'atan. OK, et nous qu'a utilisé terme bid'a à propos de bagay qui concernait la dunya, c'est-à-dire al-ibtida fi al-adat, fi umur ad-dunya, et dans signification ça, ou qu'a considéré toute nouvelle innovation technologique, toute nouvelle innovation scientifique, nous carrelé linguistiquement en bid'a. Par exemple, voiture yo, avion yo, ordinateur yo, toute lampe électricité que moun inventé, fabriqué, yani toute innovation technologique que nous gagnons, donc machine à laver, machine sécheuse, bah ça yo, ça c'est innovation yo yé. Ou gen doit rele yo bid'a linguistiquement, mais yo pas haram. Yo pas haram tant que yo pas en contradiction avec l'islam. Tant que par exemple, gampil bagay que moun inventé, par contre, gen nan invention sa yo, si ou utilise bay invention sa yo nan sa ki haram, eh bien, ap vin haram. Par exemple, fusil yo. Pas de gen fusil nan tan prophète la, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fusil, ou ka di que linguistiquement, son innovation liye. Sauf que, est-ce que le haram, ou pas qu'a dit le haram, ou pas qu'a dit le halal, tout dépend de qui ça va le faire avec lui, et de qui est-ce qu'a utilisé. Si on moun utilise pour le tuer on moun injustement, et pour le faire désordre, le haram. Mais si son, par exemple, un policier ou un soldat qui utilise le, et qui utilise le pour défendre la vérité, pour défendre le bien, et pour le protéger moun qui innocent, eh bien, dans cas ça, il n'est pas mauvais, il n'est pas haram. Même genre avec en pile l'autre innovation. Si, par exemple, Internet, ou qu'a utilisé Internet, son innovation liée dans la dunya. Ce n'est pas en adoration, son baril dans la dunya. Mais si vous utilisez pour faire ça bon avec les halal, mais si vous utilisez Internet pour faire haram, Livin haram. D'accord? Donc, ça c'est terme bid'a par rapport au sens linguistique. Kounia, en ce qui concerne la définition de la bid'a dans religion, eh bien, ça va yo expliquer que en bid'a, c'est tout ça que on moun fait qui est en contradiction avec Coran, ou bien avec sunna prophète là sallallahu alayhi wa sallam, et que on moun a fait pour le copier hein religion ou bien pour le rajouter un bagage dans religion. Et prophète là t'est interdit toute sorte de innovation dans la religion. Et là nous garder par exemple là nous n'a observé l'autre religion qui existait par exemple chrétien, juif et l'autre religion yo. Nous ca comprendre facilement que religion ça yo t'est corrompu et yo vinn dévier pour qui ça? Parce que yo inventé, yo toujours inventé bagay dans religion pa yo qui en contradiction ou bien qui pas suivre ça message là t'est enseigné. Donc à chaque siècle, yo rivé yo changer religion. Yo rajouté hein, yo rajouté bagay dans croyance yo, dans pratique yo. Et ben gen bagay tout qui ça yo fait yo retirer yo dans religion. Yo enlevé yo. Yo déformé message prophète yo pour yo satisfaire ça moun yo besoin faire ou ça yo besoin tendez. Donc religion li perdit toute intégrité li et toute signification li parce que moun a joué avec religion. Y a ajouté, y a enlevé. Et c'est peut-être ça que prophète là té prophète là sallallahu alayhi wa sallam té interdit nous pour nous innover dans religion, soit dans pratique religieuse yo ou soit dans croyance religieuse yo. Parce que religion hein, li déjà complété. Et prophète là, hein, li terminé révélation hein. Et gon verset dans sourate Al-Maïda, verset 3, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal li dit jodia, m'te complété religion noua. Et moi parachevé bien fait moi sous nous et moi choisi l'islam comme religion pour nous. Donc à partir de moment ça religion a complété. On moun pa ka vinn rajouter un bagage dans religion pour améliorer li ou pour compléter li parce que sinon c'est un coup ça l'imam Malik te dit. Yon nan imam Salaf yo l'imam Malik li dit si on moun dit ou bien inventé un bagage dans religion, li vinn faire un bid'a dans religion, eh bien c'est tant coup l'a accusé prophète là que il t'est trahi hein transmission message là. Li pas transmettre toute religion complètement. Hein, li trahi message là. Donc ça sont accusations graves contre prophète là. Et donc c'est peut-être ça savant yo dit tout innovateur, tout monde qui fait bid'a c'est en même temps c'est comme si indirectement l'a dénigré prophète là, l'a insulté prophète là, l'a fait bid'a. Et c'est peut-être ça que gan pile hadith hein que prophète là dit que il interdit tout ça qui est inventé dans religion. Gon hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Yon ki dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Et gon l'autre narration tout man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Donc qui ça le signifie? Quiconque, première narration, quiconque inventé dans religion noire ça qui pas qui pas fait partie de lui-même, eh bien il y a ni bagay ça l'a rejeté. Allah a rejeté lui, il pas accepté. Donc si vous font bagay puis vous inventez un bagay dans religion qui pas fait partie de religion, bah ça lui pas compter. Allah pas accepté lui. Et dans l'autre narration, il dit quiconque fait une action qui pas fait partie de religion noire, eh bien action ça a rejeté tout. Donc tout monde qui pratique un bagage, soit yo inventé le ou si yo pas inventé le même mais on l'autre monde t'inventé le puis yo même a pratiqué li mais bagage action ça ou bien croyance ça li pas dans texte religieux yo li pas gain preuve pour justifier li ou pour supporter li nou pas gain droit faire et son bid allié. Et gain différents types de bid'a, gain bid'a dans croyance tant coup croyances différentes sectes qui dévient après après compagnon yo hein qui apparaît après dans pendant dernier période de compagnon yo sahaba gen en pile bid'a qui apparaît tant que la bid'a de rafida hein les chi'a rafida ensuite te gen khawarij yo hein khawarij qui déclare musulman yo mécréant les yo fait péché rafida yo même yo dénigré pour sahaba yo et yo déclaré grand sahaba yo kuffar hein et yo fait yo vénéré yo adoré Ali radiyallahu anhu ainsi que yani toute descendance li yo prend yo tant que c'est être divin que yo yé et yo adoré tombe yo donc ça c'est exemple de moun k'ap fait shirk et yo fait un pile bid'atou. Donc ça c'est les Shia et gain les Mu'tazila hein qui vénéraient la philosophie grecque et qui interprétaient religion à la lumière de sa Platon et Aristote Tabzi et ont interprété religion en tant que son bagage rationnel lié et yo pas quoi dans ça qui est invisible hein et yo gon paquet d'égarement tout yo pas quoi dans qadar hein yo pas quoi dans attribut Allah yo rejeté attribut Allah et yo en pile extrémiste dans yo même et al-Jahmiya c'est même bagay al-Jahmiya yo pas quoi dans non Allah yo pas quoi dans attribut Allah yo pas quoi dans qadar yo pense yo défini foi tant que son bagay qui n'en qu'un seulement hein depuis ou connaît Allah ou croyant même si ou pas appliquant rien même si vous pas fait rien donc gagne l'autre sec qui les murji'a hein gagne l'autre sec qui les ash'ariya gagne l'autre groupe qui les soufia tout groupe ça yo c'est groupe bid'a qui apparaît gagne bid'a qui ancienne qui apparaît très tôt hein après période sahaba yo et gagne qui apparaît récemment ou bien à travers l'histoire gagne qui apparaît à différents moment dans l'histoire de l'islam. Mais parmi bid'a sa yo, ça qui est dangereuse, c'est bid'a en croyance. Ensuite, il y a bid'a en pratique religieuse yo. Et bid'a en pratique religieuse yo moins dangereuse que bid'a en croyance yo, mais yo ka entrer dans croyance tout. Par exemple, gampil bid'a en pratique religieuse yo qui rentre dans shirk. Par exemple, là, on n'a pas adoré tombio, il a pas adoré moyo, il a prié saint yo. Ça, c'est bagay qui shirk. Son pratique, mais son bagay qui est en contradiction avec fondement tawhid. Donc, hein, son bagay qui est dangereuse. C'est peut-être ça gen bid'a qui a fait sortir de l'islam. Et gen bid'a qui est en contradiction avec l'islam, son péché lié, mais il n'est pas fait sortir de l'islam nécessairement. Donc, faut nous connaître que gain différentes sortes de bid'a. Gain, on bid'a que y aurait les bid'a osliya, et on l'autre bid'a que y aurait les bid'a idafiya. Ça qui différence avec deux types de bid'a, ça yo. Bid'a osliya, son bagay que on moun inventé dans religion, pas gain aucune preuve sous lit. Ni dans le Coran, ni dans le Sunna. Par exemple, moun kap célébré naissance prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien naissance chouyouch, yo yap célébré ça. Pas de preuve ni dans le Coran, ni dans le Sunna au sujet de bagay ça. Ok? Et yo fait quand même. Donc ça nous relè le bid'a osliya. Gen l'autre bid'a que moun fait, qui ça, yo prend un bagay qui présent dans la religion, hein, qui existait déjà dans la religion, hein, et qui ça y a fait, y a rajouté nan façon pour ou pratiquer bagay lan, y a rajouté détail, description ou aspect qui pas gen preuve dans le Coran ni dans le Sunna. Par exemple, nous connaît que la salat son bagay qui légiféré, que le jeûne son bagay qui légiféré, d'accord? Et nous connaît par exemple le dhikr, hein, pour nous rappeler Allah, ça son bagage qui légiféré. Hein? Mais gen moun ki sa yo fè, yo rajoute bagay nan adoration sa yo ki pa gen preuve ou référence nan sharia, nan Coran et nan Sunna. Donc là yo fè dhikr, yo rajoute musique. Yo rajoute tam tam. Là yo fè dhikr, yo rajoute mouvement, y a fè danse, y a sauté, hein, y a bougé non façon bizarre. Donc même si yo dit que c'est dhikr y a fait dhikr ça c'est pas un dhikr qui en accord avec la sunna, son dhikr qui innové. Des fois ouais ou pral ouais par exemple gen soufi là yo fait dhikr yo mené tambou y a tapé. Gen soufi par exemple là y a fait dhikr y a dansé en groupe. Ou bien yo fait dhikr avec parole qui pas en accord avec la sunna. Yo gen doit tout cramper ensemble puis après les hou hou hou hou yo dit ça c'est dhikr lié. Ou bien yo pral yo tout cramper ensemble et a danser puis yo dit ya hay ya hay ya hay yo pense ça c'est dhikr lié. Est-ce que prophète la t'a fait dhikr comme ça? Est-ce que sahaba yo t'a fait dhikr comme ça? Non. Donc son bid allié. Hein? Et gen pile l'autre exemple de ça. N'a bien t'en mentionné peut-être quelques exemples tout. Donc si on moun par exemple, gen le a parlé de bid'a. Yani yo di gen bid'a ki bon mais gen bid'a ki pas bon, mais gen bid'a ki bon tout. Donc yo di gon bid'a, yo rele bid'a hasana. On dit gen bid'a ki bon. Donc c'est pas toute bid'a qui haram, gen bid'a qui bon tout. Hein? Et ça son bagage que moun sa yo inventé. Pour qui sa yo inventé ça? Parce que yo besoin essayer ouvrir une porte pour yo ka justifier certaines innovations que yo inventé. Hein? Et yo essayer utiliser hein argument pour yo ka justifier exemple ça. Sauf que prophète là sallallahu alayhi wa sallam li pa jamais fait distinction ça entre un bid'a qui bon et un bid'a qui pas bon. Toute bid'a dans religion c'est mauvais, hein, c'est haram lié. Pas gain bid'a dans religion qui bon. Ou ka joindre si ou ka joindre un bid'a qui bon, c'est bid'a dans sens linguistique par rapport à technologie par comme ça, même je nous t'ai expliqué au début. Hein? Parce que des fois il y a un monde il a essayé ridiculiser monde qui suivre la sunna hein et qui critiquer bid'a, il dit oh si nous pas accepter bid'a, pour qui ça n'a pas utilisé machine, pour qui ça n'a monter avion, pour qui ça nous prend nous utiliser ordinateur? Ça c'est bail qui dans dunia, c'est bail qui pas relié à la religion. Donc tant que vous utilisez le dans ça qui halal, li halal, et si vous utilisez le pour le haram, c'est haram. Kounya dans religion c'est pas même genre. Gon règle, gon principe dans religion. Et principe ça est très important pour nous comprendre. C'est que si on parle de bagaille de la dunya, gon principe c'est que toute bagaille halal à la base. Sauf si on gon preuve dans Coran et dans Sunna pour déclarer bailan haram. Si pas gain preuve dans Coran et dans Sunna par rapport à la dunya pour qu'a dit qu'on bagaille haram, eh bien, la base, la règle de base, c'est que bailan li halal. D'accord? Donc, si on moun vin wèw, pi li dzo, hein, vin prouvem que bagay sa halal. M'pral di moun nan, ou pa bezwen mandem, on preuve que bagay lan halal, parce que la base, c'est que tout bagay halal, sauf si ou on preuve que li haram. Donc, c'est moun ki déclare un bagay dans la dunya, qui déclare le haram, c'est lui-même pour le mener preuve que bagay lan haram. Kounya nan, ça qui relié à la religion, c'est le contraire. Si ou besoin fait un bagay, ou dit qu'un bagay qui fait partie de religion, ou besoin déclarer que bagay ça li permis, ou bien li recommandé, nan adoration yo, nan croyance yo, faut gon preuve que bagay lan li fait partie de religion. Si ou pas gen preuve, eh bien, son bid allié. Donc, tout ça ou qu'a fait, ou ça, tout ça ou qu'a dit, toute croyance ou qu'a gagné, yo tout interdit excepté si gon preuve pour lui. C'est le contraire de ça que hein, de règles que ça nous appliquait dans la par rapport à bagaille de la dounia. Et gon preuve tout que toute bid'ayo dans religion interdite. Et c'est ça sa prophète l'a dit dans un hadith, là il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala. C'est-à-dire que le prophète là sallallahu alayhi wa sallam lui dit tout ça hein, prenez garde à toute bagaille qui inventé dans la religion, parce que tout ça au monde inventé dans religion sont bid'a liés, et toute bid'a c'est égarement. Toute bid'a c'est égarement. Ça veut dire que pas gain exception. Pas gain bid'a qui bon et bid'a qui mauvais. Toute bid'a dans religion sans exception, yo tout égarement, c'est égarement yo yé. Et la preuve que c'est à propos de la bid'a dans la religion, c'est parce que le prophète là il dit man ahdatha fi amrina hadha, qui ça veut dire non bagaille nous ça, c'est-à-dire dans religion, c'est pas ça où moun pral inventer dans bagaille dounia, non, fi amrina hadha yani fi hadha din. Yani c'est ça on moun ka inventé dans religion. Et c'est donc innovation religieuse yo qui interdit et non pas hein ça yani on moun a inventé par rapport à la dunia. Donc bah ça li extrêmement important. Et ça va yo clarifier que par exemple, des fois, vous allez voir mon quand on coupe soufi, ahbash, ashaira et autres. Yo vini avec quelques choubouhat, hein, pour yo mélanger ou pour yo ka essayer justifier un certain nombre de bid'a. Donc yo pral dire oui, mais par exemple, nous-mêmes n'a fait tarawih dans Ramadan, hein, tandis que yani Omar ibn al-Khattab les rassembler moun yo nan mosquée radiyallahu anhu, li rassembler tout moun yo derrière un seul imam nan mosquée pendant le Ramadan et li dit ni'matul bid'a hadhihi, hein, c'est-à-dire li fin rassembler tout moun yo nan mosquée derrière un seul imam pendant le tarawih pendant Ramadan, hein, après prophète là sallallahu alayhi wa sallam, et yo tout prier ensemble et l'el wè ça li dit hein, quelle belle bid'a que celle-ci. Donc yo utiliser ça tant qu'on argument pour yo ka di bon ça c'est la preuve que ou gen doit faire un bid'a qui bon. Hein? Sauf que moun sa yo malhonnête. Pour qui ça yo malhonnête? Parce que prophète là sallallahu alayhi wa sallam c'est lui-même qui t'a commencé tarawih pendant l'étape vive. Et il priait avec sahaba yo pendant Ramadan, il fait tarawih pendant 3 nuits. Première nuit, il priait, l'a prié, tout sahaba yo vinn prier derrière lui dans mosquée. Deuxième soirée, même gens. Il vinn sorti, commencer prier, tout sahaba yo vinn prier avec lui. Deuxième soirée, il fait tarawih encore. Troisième soirée, même gens. Kounya, quatrième soirée vini, tout sahaba yo vin nan mosquée y attend que prophète la sorti pour commencer prier tarawih avec sahaba yo, mais prophète la pas sorti soirée ça sahaba yo t'attend gen même parmi sahaba yo y a jeté roche sous mur kay prophète la sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que prophète la pas connaît que yo t'attend li ou li t'attend yo t'attend li. Hein? Mais le prophète l'a pas sorti jusqu'à ce que Fajr arrive. Quand le prophète l'a sorti pour prier Fajr avec Sahaba yo. Et là, il explique que Sahaba yo, il dit, m'connais que nous t'attendons moi, hein, pendant la soirée. Mais, gon raison pour qui ça m'pas sorti, c'est parce que m'pas vle que ça nous commence à faire, n'a prié Tarawih chaque soir, m'pas vle que Bailan vienne obligatoire pour nous. Si Allah Azza wa Jal révélait un verset, et que li rend bagay ça obligatoire pour nous, la trop difficile pour nous puis nous pas capable faire. Donc prophète là sallallahu alayhi wa sallam par miséricorde pour umma li stopper, li cesser de pratiquer tarawih. Hein? Mais c'est lui-même qui t'a fait au début. Kounya, le prophète l'a mouri sallallahu alayhi wa sallam, li pa fait tarawih, Abou Bakr, premier khalifa, pa te fait tarawih. Kounya, le Abou Bakr mouri, c'est Omar ibn al-Khattab qui prend khilafa. Et kounya, Omar ibn al-Khattab, ouais que Sahaba a prié pendant Ramadan, chaque personne a prié pour contre lui dans mosquée pendant Ramadan. Alors qui ça le dit? Plutôt que mounyo commence à venir prier tous chacun en côté lui, m'a réuni tout mounyo puis m'a metté un seul imam devant yo et puis a prié ensemble dans tarawih. Même Jean prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'es qu'on fait dans Ramadan. Alors l'el fait ça, lui dit ni'matul bid'a hadihi. L'el dit parole ça, quelle belle bid'a que celle-ci. C'est pas dans le sens de la bid'a dans la religion, hein, mais c'est dans le sens linguistique. Hein, parce que c'est un bagage que lui, hein, si on ka expliquer bagage là réellement, c'est comme si lui revivifier en sunna. Hein, li revivifier on sunna qui t'a existé mais que moun t'a arrêté pratiquer, yo t'a stoppé pratique li. Kounya li même Omar li vin réinstaurer on sunna qui t'a déjà existé dans religion. Hein. C'est pas quelque chose que li pas existé même et puis que c'est lui même qui inventé. Comprends donc, ça sont clarification qui est importante et qui réfutait sa moun bid'ayo a essayé attribuer à religion le yo diou que gen bid'a ki bon. Donc ça c'est son mensonge, hein? Et gen raison pour qui ça moun a inventé bid'a, et parmi raison que savant yo mentionné, c'est soit parce que yo ignorant à propos de religion, hein? Gain c'est parce que y a suivre passion yo. Gain c'est parce que yo y a suivre opinion un certain nombre de imams ou un certain nombre de madhab de façon qui fanatique et qui aveugle. Hein, parce que yo pas retourné à preuve yo, c'est juste parole moun y a suivre. Gain c'est parce que y a imité koufar. Y a suivre koufar yo en pratique yo. Hein, gain pile égarement qui entrait dans l'islam à cause de un certain nombre de musulmans qui a imité chrétiens, qui a imité juifs, qui a imité bouddhistes, qui a imité hindous dans différents pays dans le monde. Gen, par exemple, dans certains pays, c'est animiste. Les musulmans a imité animiste. Hein? Donc, ils ont introduit dans la religion pratique et croyances qui n'est pas en accord avec l'islam. Et à cause de ça, yani Allah al-musta'an, moun yo commencé dévier. Allah al-musta'an. Donc, plus grosse bid'a qui était existé parmi musulmans yo en pile nan bid'a sa yo, nan bid'a sa yo apparaît nan en Irak. C'est là-bas que en pile nan bid'a yo te vini au début. Et puis ensuite, bid'a yo commencé à propager dans un paquet de l'autre pays ensuite. Et bien entendu, les moun qui suivent la sunna, les gens de la sunna yo gon attitude et yo gon comportement envers innovateur yo, et comportement ça yo son comportement qui dure parce que moun qui fait bid'a yo gon danger dans yo même qui pi grave passé danger koufa yo. Et danger a c'est que l'un un musulman après un autre musulman les pap suspecté l, hein, les pap penser mal de lui parce que il dit bon son musulman lié ses frères lié en islam. Donc les pap penser que moun nan la représente un danger pour lui. Donc, tandis que si son un prêtre ou un pasteur ou bien un rabbin qui entrait dans la mosquée a commencé à parler, il va écouter elle. Il connaît que son kafir lié. Hein? Mais laisse un musulman qui entrait et qui commence à parler, lui citer verset dans le Coran, lui citer hadith, un monde qui a facilement égaré parce que il pas connaît que moun nan son un innovateur lié, un mubtadi'. Hein? Moun nan li gen croyance Shia, Rafida, li gen croyance Khawarij, li gen croyance Black Muslim, li gen croyance Soufi, li gen croyance Jamaat Tabligh, hein, Diobandiya, Maturidiya, li gen croyance Ikhwan Muslimin, Ash'ariya et Khawarij, et en pile l'autre idéologie comme ça. On l'autre moun li ka gen croyance yani ça nous réveille aux coranistes, nous pas quoi dans sunna, hein, tant qu'au ahmadiyya, hein, secte les ahmadiyya ou bien y aurait les qadianiyya, hein, gain on l'autre secte les bahai, c'est même bagaille, toute secte ça yo, c'est même gens, c'est tout égarement et c'est innovation. Donc les moun ça va parler, yo dit c'est musulman nouyé, yo prier même gens avec musulman. Hein, yo fait un pile bagaille qui en accord avec l'islam, sauf que dans le fondement religion, yo contredit musulman yo. Donc son gros danger que moun sa yo représenté pour musulman. Donc faut nous faire attention. Et c'est peut-être ça, tout grand savant, tout grand imam yo dans l'islam, yo tout te kon réfuté innovateur yo. Et là ou gade par exemple grand savant dans l'islam, puis grand imam musulman yo, yo tout te écrit livre pour yo réfuter innovateur yo et moun bid'a yo. Hein? Ou gade par exemple l'imam Abu Daoud, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam al-Tirmidhi. Dans tout livre hadith que yo rassemble yo, yo toujours gen chapitre dans livre yo, dans chapitre livre yo, dans hadith yo, qui est consacré à la réfutation des sectes. Parfois, ils ont mentionné sectes explicitement, et parfois, ils ont mentionné, ils n'ont pas mentionné non-sectes, mais ils ont réfuté principes ou croyances dans le titre, chapitre. Yo. Et il y a l'autre imam qui écrit livre plus spécifique pour réfuter différentes sectes, tant que l'imam Ahmad, il écrit un livre qui est Ar-Rad ala al-Jahmiya, la réfutation des Jahmiya. L'imam Ad-Darimi, il écrit un livre pour le réfuter Jahmiya tout. L'imam Ibn Taymiya, il réfute Asha'ira, Soufiya, Shia, Mu'tazila, yani toutes différentes sectes, pas grand secte qui existait excepté que Ibn Taymiya écrit un livre sur yo pour le réfuter yo. Et gampil savant qui écrit sur sujet ça yo, et gampil savant à l'époque actuelle tout, hein, qui consacre vie pour yo défendre la sunna et puis yo réfuter innovateur yo et bid'a yo, hein, tant que Cheikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, ancien mufti l'Arabie Saoudite et le mufti actuel Cheikh Abdul Aziz Al Cheikh, gain Cheikh Mohammed Ibn Salih Al Uthaymeen, Cheikh Mohammed Nasiruddin Al Albani, gain Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al-Sheikh, gain Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, gain Cheikh Ubayd Al-Jabiri, gain un pile l'autre chouyouch, grand chouyouch, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, et un pile l'autre grand savant tout, gain Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, et gon livre tout comme gain t'en traduit en français, à propos de clarification justement innovation yo, et gon livre que m'étais déjà écrit depuis longtemps qui relait toute bid'a et égarement en français, il est disponible sur site moyen gratuitement, et gon l'autre livre que m'ai traduit de Cheikh Saleh Al-Sheikh, ancien ministre affaires religieuses de l'Arabie Saoudite, et livre ça me fin traduire li mais me poko gen autorisation pour me propager livre là mais aussitôt que m'a gen autorisation de cheikh là inchallah eh bien m'a mettel sous site moi et puis la très bénéfique inchallah me pas gen temps pour m'pas gen temps encore pour m'entrer dans l'autre détail son sujet qui très vaste qui très détaillé grand pile bagay nou te ka expliquer dans sujet ça encore mais malheureusement déjà me dépasse limite là déjà donc pas vouloir exagérer avec nous faut me comprendre situation hein, que le temps hein est limité et puis yani si nous dépasser temps hein, après ça n'a pas fatigué nous pas ka écouter concentrer encore donc n'a prêté là avec ça nous déjà clarifié et puis inshallah dans l'autre occasion n'a bien temps expliquer l'autre détail sur sujet a prochaine conférence que n'a fait dans conférence nous pral rentrer dans détail qui est-ce qui prophète là et qui est-ce qui sa signification shahada hein, et ainsi de suite. Donc n'a bien temps expliquer l'autre petit détail que nous pas bien temps expliquer jodi a inshallah dans prochaine conférence là inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.